Il a fait parler de lui dans une. Ben, il fait parler de lui grâce à son éditorial de la semaine dernière qui parlait que peut-être au lieu de rénover le Centre Georges Vézina, si on irait d'une nouvelle amphithéâtre à Ville-Saguenay, et mettons que c'est au départ, à condition, on dit que le gouvernement n'a pas d'argent, quoi qu'il en soit, ben. Phil Desgagnés l'écrivait ce matin à son éditorial, peut-être que ça reviendrait au même montant. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec celui qui a écrit l'article, c'est Marc Saint-Hilaire du Journal Quotidien. Bon après-midi, Marc. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Marc, la semaine passée, tu as fait parler, tu as écrit un éditorial sur l'avenir du Centre Georges Vézina. On sait que le Centre Georges Vézina doit être rénové. Mais finalement, est-ce que, de fil en aiguille, Phil Desgagnés arrive avec des nouveaux arguments ce matin, est-ce que, dans le fond, on serait peut-être pas mieux de bâtir, au lieu de faire du vieux avec du neuf? Du neuf avec du vieux, pardon? Ben, écoute. Oui, c'est un peu la réflexion que je voulais susciter la semaine dernière, puis effectivement, ça a eu un impact quand même important. Les gens, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont communiqué avec moi. Je pense que Chicoutimi et Saguenay, puis même, je vais dire bien plus que ça, je vais dire le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet mérite un amphithéâtre neuf, un amphithéâtre qui est un amphithéâtre des années 2000, comme on dit. Puis le Centre Georges Vézina, ça a été une infrastructure géniale pour le temps que ça a duré. Mais maintenant, est-ce qu'on veut faire du neuf avec ça? Je pense que ça serait une aventure assez difficile à réaliser. Compte tenu de tout, tu sais, oui, on va mettre de l'argent, oui, il va y avoir des nouvelles loges et tout, puis je pense qu'ils sont capables de faire un beau projet de rénovation avec, on parlait de 20 à 25 millions de dollars, mais moi, je me dis que rendu là, on peut regarder puis s'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait à Gatineau, de ce qui se fait à l'extérieur, puis aussi se comparer avec l'Ontario, parce que, comme je le disais la semaine dernière, en Ontario, les infrastructures sont nettement plus belles que ce qu'on a ici, plus confortables, plus des meilleures commodités, pour reprendre un anglicisme, là. Mais écoute, moi je pense que l'heure est venue au moins d'avoir le débat puis de se poser la question avant d'investir 25 millions, est-ce qu'on met ça à terre et est-ce qu'on recommence avec du neuf pour les prochaines décennies? Parce que là, un projet de 25 millions, ça tient pas compte des égouts, du réseau d'égouts, ça tient pas compte du réseau électrique, ça tient pas compte de la réfrigération. Il y a des trucs qui vont péter au fil du temps. Ouais. Est-ce que cet investissement-là va être pérenne en ce sens qu'il va durer davantage que 20 ans, 25 ans, peut-être même pas, peut-être 15 ans? Puis ça, tout va être à refaire. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion avant d'investir ce genre de somme-là. Et la réflexion, moi, en tout cas celle que j'ai faite, amène à croire que on serait mieux d'y aller de l'avant avec un projet d'infrastructure neuve. OK. Évidemment, la plupart des infrastructures dans les villes importantes ont pas mal les mêmes années. Hein. Je pense entre autres à Drummondville, à Victoriaville. Ça a pas mal été tous bâtis dans les mêmes années, ça. Il y a eu un boom. Donc, est-ce que tu penses que éventuellement le gouvernement, puisqu'on sait que les finances publiques actuellement sont quand même très difficiles au Québec, penses-tu que ça pourrait quand même être, ça pourrait contrer ce problème? Moi, je pense que c'est avec une volonté. Le politique suit toujours, en fait, la volonté d'une population. Il y a des enveloppes qui sont destinées à ça, aux infrastructures sportives, puis aussi aux culturelles, parce que là, en ce moment, faire des spectacles au Centre Georges Vézina, c'est peut-être pas l'idéal pour la sonorité et pour tous les trucs. Regarde, le Cirque du Soleil, par exemple, pour suspendre les gens, pour les éclairages, des shows à grand déploiement. On peut pas, à cause de la toiture. Donc, là, présentement, il y a une réflexion à faire. Est-ce qu'on veut se doter de ça? Puis je pense qu'une fois qu'il va avoir la réflexion, qu'il va avoir une volonté politique, écoute, s'il y a une vingtaine d'années, on s'était parlé des bateaux de croisière à la baie, et on se serait dit la même chose. On aurait dit, le gouvernement n'a pas d'argent pour ça, on n'attirera pas de bateaux de croisière, et pourtant, l'administration municipale actuelle a misé fort là-dessus, puis ils ont travaillé fort, puis éventuellement, ils ont eu l'argent. Et quand ils ont eu l'argent, ils sont allés de l'avant. Donc, je pense que c'est un peu dans ce type de démarche-là. Tu vois ce qui se passe à Gatineau. À Gatineau, le gouvernement a confirmé 26 millions pour la construction de cet amphithéâtre-là. Ouais. Écoute, je pense qu'on n'est pas différent. On est peut-être rendu à cette croisée de chemin-là, à cet investissement-là. Puis je pense que convaincre le gouvernement de la nécessité d'une telle infrastructure. C'est chose faisable, là. OK. Est-ce que ça pourrait être un PPP aussi? Ben, ça pourrait être un PPP, effectivement. Maintenant, il faut quand même comprendre que les Saguenayens appartiennent à la ville. Donc, le principal locataire de l'amphithéâtre appartient à la municipalité. Donc, moi, je crois davantage à un projet qui est public, là. Bon, t'as l'équipe de hockey, t'as Chicoutimi, Saguenay, et t'as aussi les différents paliers de gouvernement, là. Il y en a deux gouvernements qui peuvent investir dans un truc comme ça. Donc, moi, je pense que la solution réside davantage dans les fonds publics. Je pense que c'est une infrastructure qui servira pas non seulement au hockey, mais aussi au spectacle. Je pense que il faut se questionner aussi sur la pertinence d'avoir une grande glace. C'est pas une question de partir un débat entre le patinage de vitesse et le hockey et revenir sur tout ça. C'est juste le fait que est-ce qu'on veut avoir une grande glace pour les besoins qu'on a? Je suis plus certain que le Saint-Georges Vézina soit destiné à ça. Je me dis qu'on a d'autres infrastructures, par exemple le pavillon de l'agriculture à côté, qui pourrait accueillir une grande glace pour le développement de nos athlètes. Mais maintenant, je pense qu'il faut regarder les besoins de l'amphithéâtre, qui sont les locataires, qui sont les utilisateurs, et qu'est-ce que la population veut aussi. Je pense qu'il y a... Mais tout ça pour revenir au fait que c'est une réflexion qu'on lance. Nous, en éditorial, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une réflexion, on a pris une position. Notre position est appuyée sur notre réflexion personnelle, mais je pense que c'est un amphithéâtre qui appartient non seulement à Saguenay, puis je le répète, à tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que tout le monde en profiterait, tant à Saint-Félicien qu'à Alma-Robertval. Les gens seraient heureux de voir du spectacle ici, à Chicoutimi, la capitale régionale. Oui, effectivement. Là, le taux d'utilisation du Centre Georges Vézina est de combien? Ah, je peux pas te dire. Okay. Je peux pas te dire, mais bon, il y a les parties des sacs, mais il n'y a pas beaucoup de choses à part des sacs, effectivement, et de l'entraînement et du patinage et ces choses-là, puis le hockey des ligues de garage, comme on dit, mais ouais. Tu sais, je pense qu'il peut être utilisé, un amphithéâtre, dans ce secteur-là, parce que moi, ça, je tiens à le mentionner, je pense que le secteur est idéal pour un futur amphithéâtre, comme pour l'actuel. Puis, écoute, il y a les stationnements, il y a tout, puis je pense que c'est un secteur névralgique à Saguenay. Donc, je pense que le taux d'utilisation augmenterait de beaucoup dans un amphithéâtre neuf. OK. Parle-moi maintenant du projet. Le projet pour rénover le Saint-Georges, on parle de 25 millions. Puis tu m'as dit en dehors des ondes que tu as même parlé du monde qu'un aréna neuf, ça carrerait autour de 40 millions, ça serait faisable. Oui, j'ai parlé avec deux personnes qui sont quand même des personnes intéressées à tout ça puis qui cogitent un peu dans ces milieux-là. Et on me dit que ça serait réalisable. J'ai pas de doute là. On n'est pas obligé d'avoir un stationnement souterrain. On n'est pas obligé d'avoir. Il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin ici nécessairement à Chicoutimi. Donc, en faisant quelque chose de très bien, et là je le mentionne très bien, mais quand même à la hauteur de nos besoins, parce que on n'est pas obligé de se faire un nouveau Colisée. Là, on parle pas du centre Vidéotron, là, on parle du centre Georges Vézina. Donc, moi, je pense que pour nos besoins, un bon 4000 sièges, 4000 à 4500 sièges, je pense qu'on est, en voiture. Puis pour ce genre d'amphithéâtre-là, on me dit que 40 millions, c'est réalisable. Est-ce que ça serait 45? Peut-être. Mais je pense que la différence est pas assez notable pour qu'on puisse écarter cette solution-là complètement du revers de la main. Là. OK. En terminant, penses-tu que ça va se faire durant les élections? Est-ce que tu penses que le débat pourrait se lancer? Est-ce qu'il y a des questionnements qui pourraient se faire? Parce que c'est un électoral à la ville de Saguenay cette année. Là. Ben moi, je pense que au niveau journalistique, plusieurs journalistes vont amener cette question-là lors de la campagne électorale. Je pense que c'est un projet qui est intéressant pour différents candidats. Pourquoi pas, qui peuvent se l'approprier puis dire moi j'aimerais ça aller de l'avant dans ce genre de projet là. Écoute, Régis Labeaume l'a fait lui avec avec le centre Vidéotron, je pense que ça se fait très bien. Maintenant, est-ce que l'administration actuelle, celle de Jean Tremblay, serait tentée de donner le grand coup puis de céder cet héritage là à Chicoutimi, l'arrondissement, parce que comme je le mentionnais dans mon éditorial, Chicoutimi a peut-être pas été l'arrondissement le plus choyé au cours au cours des dernières années, ou en tout cas dans les années d'après-fusion. Est-ce que ça peut être tentant pour le maire actuel de dire, bon, ben regardez, j'ai un projet, moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver. OK. Ben, Max Lettier, éditorialiste au Journal Le Quotidien, gros merci. Puis on risque de s'en reparler parce que c'est un débat qui risque de s'enclencher au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est quand tu veux. Je te souhaite une excellente journée. Marc Saint-Hilaire du Journal Le Quotidien.